ça. J'ai un PC, il me prend que les pubs, j'en ai marre. Bon, on est pas. La bassiste est en grève. Basse. Yannick, monte un peu ta guitare. On parle de Valium, guitare. Mais c'est quoi, ça? Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Thank you.

serais grande, je jouerais de la contrebasse. Ta contrebasse via un micro ou comme la guitare avec enfin comme on fait nous quoi. Ah ouais ouais donc c'est clair que t'as quoi comme micro micro. Non c'est bien hein. Suffit qu'on le monte nous. Directement collé, collé à ta, à ton instrument. Je serai grande, je jouerai de la contrebasse. M'a filmé dans la rue pour la chanson Happy. Il filmait plein de gens. Il m'a dit allez, faites genre vous êtes happy. Donc je vais passer sur YouTube. Youpi. Je vais passer à la télé. Attends pas quoi. Thank you. Bob l'éponge. Je crois que je rêve. Ah, mais c'est carnaval dehors. Ah ouais. Attends. Qui me parle? Et puis d'abord, j'ai pas envie de grandir. Je suis très bien comme je suis. Il est pas drôle le monde des adultes. J'en ai marre d'être grande. Vous l'entendez ça? Je crois que c'est les voisins qui vont péter un câble. Un tour de rôle. Ça va pas le faire. Et d'abord, est-ce que JP et Monsieur Yannick parlent français ? Pauvre petit doigt. Ça fait longtemps que j'ai pas d'appel. T'as pas un petit peu l'accent de là-bas, toi, Dave? C'était trop beau pour être vrai. Mais pauvre petit loup. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu peux faire la traduction? C'est quoi? écouter quand je chante. J'aimais pas, là c'est pire. Je vais l'éclater. ce bouquet de roses que tu as posé dans ma cuisine. J'ai tout effeuillé, éparpillé par la fenêtre. Tu m'as tué, double basse. J'ai les doigts en feu. Tu n'as pas besoin d'argent ou je sais pas, il y en a qui n'ont pas entendu à l'oreille. Qui ? Je sais pas. Qui ça ? Le problème, c'est le fait que je te que tu as attendu un an et que je t'ai pas donné de nouvelles ou c'est le fait que aujourd'hui je te tiens un discours de celui qui est étonné. Mais à qui tu parles ? Qui me coupe le micro ? Et dis-moi, alors que ta maman, ils sont fous. Continue, double basse, c'était trop bon. Tu sais qu'il y en a déjà la gentillesse ça paye pas déjà. Moi je suis pas déjà un escroc ou quoi que ce soit. C'est juste que je t'ai fait un versement de 150 euros, non? C'était 300 euros là par oh, vas-y, envoie ton truc là. Tain, il faut que je reprenne tout, mes cours de basse, mes cours de... Je croyais que t'avais pas envie de discuter. Alors, ça m'en fout pas. T'as envie de discuter, t'as pas envie de discuter. Oh maman, tu m'as pas appelé depuis un an, c'est pas bien. Vilaine. Ouais. Kino. T'as, écoute pas. Est, comment on fait? Dis-moi, t'es à la rue. Kiki, fais... Kino, ah, non. Porte plainte, fais-moi un procès. Si je te dois 150, fais-moi une facture. On va le faire chanter. Tu m'as envoyé un appareil et tu m'as envoyé un recommandé. C'est le moment où jamais de se faire de la thune. Et ben voilà, bah porte plainte contre moi. Et puis ton heure sera la mienne. Voilà. Je peux pas te dire mieux. Demain matin, va à la gendarmerie, va porter plainte contre moi parce que je te dois 150 euros. Parce que tu m'as vendu un appareil. Kiki, non. Kiki, non. Parce que tu me l'as vendu 300 euros. Toutou. Bon, on va faire diversion. Hein. Allez, pour 300, c'est bon. Moi, je suis un gars qui va te donner une bonne leçon parce que la gentillesse, ça paye pas. Voilà. Allez, 300 et on n'en parle plus. Bon, double basse, on partage. Non, je suis pas en train de te dire ça. Ok, ça marche. Je suis pas en train de te dire ça. Je suis en train de te traiter. Il n'y a con, personne en fait. Dimanche matin. Parce là, que faut vraiment être con pour faire ce que tu fais. C'est pas de la gentillesse, c'est de la connerie. C'est de la connerie, Laurent, je suis désolé. C'est de la connerie. Pourquoi t'envoies un appareil? Mais non, je t'en... Kino! Kino, coupe ton putain de micro. C'est tout enregistré en plus. Avec double basse, on va se partager le magot. Nanana. Bien. Partez dans la cuisine. Merde, on ne sera pas la suite. J'ai touché à rien depuis... depuis un an, donc je sais plus. Bon, laisse-moi tranquille là-bas. Ouais, bon. Écoute, il paraît, on m'a toujours dit, le tout, c'est de participer. Puis de toute façon, on s'en fout, on fera pas un tube. J'y comprends rien, moi, cette harmonica. En fait, j'ai combien ? Il est en do, et c'est un... mince, je me rappelle même plus. En fait. J'ai pas pris le complet. Rick ? C'est qui, Rick ? Jamais vu Rick. Je sais pas où est-ce que vous ouvrez. Non, tu vas te faire enculer maintenant. Voilà. Parce que tu es un voleur et tu as usurpé. Tu as usurpé l'indicatif radio amateur. Alors que tu n'es pas radio amateur. J'ai contacté la NFL et je vais te donner une bonne leçon. Voilà. Ah, t'as raison, c'est nul à chier. C'est 300 pour notre silence. Ah ouais, attends, hey, c'est à la seconde. Hein. On va aller faire la fête avec 300 chacun. Oh là là là là. Je fais quoi pour 300 ? Tu fais ce son là. Le son arabe, là, qui c'est qui le fait, là? J'ai même pas eu le temps de voir, là. Qui c'est qui fait ce son-là? Ben, t'as vu, pour 300, il est chaud. Ouais, ouais, je comprends qu'il est chaud. Et double basse, tu fais quoi pour 300? Ah, putain de clavier. Pi ou quoi? Yannick. C'était Yannick. Yannick Nazdorovia. Qui est privé? Il n'y a pas privé. Il n'y a pas de privé. Private, ça veut dire bonjour en Ruskov. Le problème, c'est qu'on comprend pas les lettres, là. D'accord? Quoi d'accord? T'es d'accord pour quoi, toi? C'est quoi le nom du blog? Pourquoi je m'entends parler, je sais pas où. Yannick, je sais pas comment on dit en russe. Yannick, la musique, c'est où? Mais le loop, Yannick, loop, da. Russia, oui, da. Ici, Francia. Mais c'était toi qui jouais ce truc double basse ou c'était Yannick? J'ai rien compris là. Je suis encore largué là. J'ai encore raté le wagon. Kino, par contre, t'as un micro qui renvoie tout ce que je dis là. Ah, c'était toi? Je crois que c'était Yannick. Tu peux pas l'envoyer, cette loupe, là, non? Trouver. j'ai vraiment envie de vous embêter aujourd'hui, hein. Je vous le dis, moi. Je vais essayer d'aller faire une petite sieste. Parce que ce soir, rebelote. De sortie. J'adore ce truc. C'est très chaud comme ambiance. Ça donne envie d'aller en Afrique. Monsieur Doc. Oh. Na zdrowie. oui, mais c'est pas gagné, hein. Da. Da. Qu'est-ce qu'on peut chanter là-dessus ? C'est pas simple, hein. Plus cher que moi, lui, hein.